fetelor brasileiro está exilio. O quê? Gente, mano, estou! Salve, Marcos, para o Mike. Todo mundo surdo, surdo. Salve, Marcos, para o Mike. C'est mon mic et ma voix. J'tire, j'tire, raconte pas. Faut que t'es j'assassine. Ceux qui ne veulent pas me voir réussir.